Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, la sympathique Camille nous offre la première d'une série de critiques de romans dans les genres qui nous intéressent. À vous le micro, Camille. Chers fans de SF, Camille au micro. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite critique sur deux livres tirés d'un film, Titan AE. Donc pour les fans de SF, vous devez connaître Titan AE, qui est un film d'animation de la Fox, réalisé par Don Bluth et Gary Goldman, sorti en 2000 au cinéma, qui fut malheureusement un flop, mais qui est quand même culte, et que donc les amateurs de SF ont dû voir, non seulement parce que c'est une animation géniale, que l'histoire est très sympa, et que le film, dans son ensemble, est plus que correct. C'est un très bon film. Et donc, il y a aussi des romans qui se rattachent à ce film. Deux romans, exactement. Il y a Kale Story et Akima Story. Donc, on sait très bien que dans le film Titan AE, ça commence sur la Terre en 3028. À la fin des 6 premières minutes, la Terre explose et détruite. Et tout de suite après, on est ramené 15 ans plus tard, en 3043, pour voir l'enfant qu'on avait vu sur la Terre, adolescent, à la recherche du Titan pour sauver l'humanité. Et donc évidemment, on a un laps de 15 ans qui s'est écoulé sans qu'on sache ce qui s'est passé. Alors la 20th Century Fox a apparemment eu la bonne idée de faire deux livres pour expliquer ce qui s'est passé entre deux. Enfin, ce que les personnages ont vécu entre pendant ces 15 ans. Les livres ont été édités en 2000, donc le film devait quand même engranger un peu d'argent, il ne s'attendait pas à ce que ce soit un flop total. Les deux romans ont été écrits, et donc ils ont dû certainement s'attendre à ce qu'ils soient achetés par de nombreux fans qui se seraient tous précipités au cinéma et qui tout de suite après auraient acheté ces livres-là. Et donc malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les livres ne sont pas très connus, ils sont très minces, ils font moins de 200 pages. C'est pas écrit petit, donc c'est pour dire. Mais ils ont le mérite d'exister. Quand on aime le film, on est content quand on aime le film, quand on aime la SF et qu'on est un peu curieux de savoir, d'en avoir un peu plus. Eh ben, on crache vraiment pas dessus. Donc le style est pas génial, ni rien, mais bon, c'est intéressant. Alors donc, je rappelle les deux titres. Kale Story, donc qui raconte bien évidemment l'histoire de Kale Tucker, qui est le personnage principal du film Titan AE, donc qui est le sauveur de l'humanité, allons-nous dire, le porteur de l'anneau. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, bien sûr, il n'y a aucune référence à ça dans ce livre. Donc je vais commencer par Kale Tucker. Je vous lis les résumés. Kale Tucker avait 5 ans quand les Dredge ont détruit la Terre. Ce jour-là, il a vu pour la dernière fois son père, Sam, qui a fui la catastrophe à bord du Titan, un fantastique vaisseau spatial. Élevé par Tech, un ami extraterrestre de son père, il a presque tout oublié de sa planète natale et ne garde qu'un seul souvenir de Sam, une bague qui en principe ne devrait jamais quitter son doigt. Mais il est obligé de la donner à Clegg, un voyou qui menace de tuer Iji, la fille de Tech. Kale va devoir la récupérer coûte que coûte, car ce bijou est la clé du mystère dont dépend l'avenir de l'humanité. La première partie, tout le monde la connaît, de ce que je viens de lire. La deuxième partie, ça révèle donc ce qui se passe dans le roman. Donc le roman commence... les 15 ans ne sont pas complètement racontés. On va dire que... Mais on sait ce qui s'est passé pendant ces 15 ans. On sait que Kale a été donc emmené par Tech sur sa planète natale, sur la planète de Tech. Donc je ne sais plus trop quelle est l'espèce de Tech, d'ailleurs le nom de son espèce. Je ne sais même pas si le nom est donné, je pense que oui quand même. Je ne pourrais plus le redire. Et donc Kale donc, il va grandir aux côtés donc, de Iji, la fille de Tech, et de Tech lui-même bien sûr. Donc on a des petites aventures comme ça. On a une quête parce que donc, on sait donc ce qu'il a fait pendant ses 15 ans, même si bon, donc quand on découvre Kale, il est adolescent déjà, donc on n'a pas toute son enfance, voilà, puisque au tout début du film, Kale a 4 ans. Donc voilà, donc tous les ces 15 années-là ne sont pas complètement racontées dans le livre, donc on a juste les deux dernières années, donc ce qui nous explique, mais bon, puisque il a grandi tranquillement avec Tex sans se poser de questions, à l'abri des Dredge, à l'abri de tout. On sait pourquoi, donc pourquoi les Dredge ont été peinards, l'ont laissé tranquille tout ce temps-là, on va savoir pourquoi, on va le savoir dans le roman, je ne vous dis pas pourquoi. Et donc, bon, Kayle se retrouve à affronter donc certains voyous, comme c'est dit, des petits malfrats qui règnent dans l'espace. Il va aussi faire la connaissance d'une autre civilisation qui a eu le malheur de connaître les Dredge. Donc, parce que les Dredge n'ont pas essayé que d'éradiquer les humains, ils se sont aussi attaqués à une autre espèce. Et justement, donc, Tech va emmener Kayle découvrir cette culture pour qu'il en apprenne sur ce peuple qui a dû affronter les Dredge et qui est quand même toujours là, qui n'a pas baissé les bras, qui n'a pas perdu espoir. Puisque donc Tech se rend bien compte que Kayle se moque, ça a toujours eu ce sentiment d'abandon de la part de son père, que l'on ressent aussi dans le film, on le sait. Et donc Tech a essayé donc d'apprendre à Kayle certaines valeurs pour le préparer à son destin de sauveur de l'humanité. Donc voilà, il y a un petit peu d'action, il y a de l'amitié, voilà, c'est donc le style, que ce soit dans les deux romans, n'est pas génial, enfin, mais ça se lit, quoi. Enfin, faut pas chercher de la haute littérature, évidemment, ni de très grandes surprises au niveau scénario, de toute façon, c'est au niveau de l'histoire, je veux dire, mais c'est divertissant. Quand on aime le film, moi j'estime que si on adore le film, on est content d'en apprendre plus sur les personnages encore et toujours. Et maintenant, Akima Story. Donc Akima, c'est la copilote, la pilote tout court, la pilote du vaisseau du Valkyrie, le vaisseau de Joseph Corso dans Titan AE. Donc elle, on ne la voit pas du tout, on la découvre en 3043, au tout début du film, dans le prologue, on ne la voit pas. Donc on pourrait carrément s'attendre à avoir toute sa vie, puisqu'on ne sait pas du tout ce qu'elle a fait les 15 ans précédents et les 18 années encore avant non plus, enfin les 4 années plutôt précédentes. Donc voilà, elle, de sa naissance jusqu'à ce qu'on la voit dans Titan E, donc en 3043, on ne sait pas du tout ce qu'elle a vécu. Donc je vous lis le résumé aussi. Akima est une survivante. Ayant fui la Terre quelques heures avant que les Dredge ne la détruisent, elle a grandi, trop vite, dans une des colonies qui abrite les rescapés de la catastrophe. Son seul espoir, comme pour tous ses semblables, c'est le Titan, un vaisseau spatial légendaire qui pourrait rendre dignité et espoir à l'humanité. Pour le retrouver, Akima est prête à sacrifier sa jeunesse et à jouer sa vie. Après avoir appris à piloter, elle quitte la colonie et se lance dans une quête de tous les périls. Donc rien que là, dans ce résumé, on sait en tout cas que Akima a grandi sur la Terre, et qu'elle fait partie des quelques humains qui ont réussi à s'échapper à temps. Vu que la plupart sont morts quand même, en même temps que la Terre a été détruite. Donc Akima est japonaise, on a même son nom de famille qui nous est révélé. Super! Et donc on sait qu'elle a, donc une fois qu'elle a fui la Terre si jeune, ses parents eux, n'ont pas eu la chance de pouvoir fuir, mais donc elle a grandi avec sa grand-mère, et donc elle a vécu sur une colonie vagabonde. Bon, ça, on sait qu'elle a grandi sur une colonie vagabonde, ça nous est révélé dans le film en une seule phrase. Et donc bon, bah, on découvre un peu plus comment est la vie dans les colonies vagabondes. On a donc pas mal de portraits comme ça, donc de l'atmosphère qui règne, de la communauté donc qui est formée, des relations entre les gens, donc il y a une certaine fraternité, une très bonne entente, voilà, et que Akima, donc on a aussi le côté très ouvert de Akima qui est toujours proche de tous ceux qui l'entourent, prête à les aider. Voilà. C'est pas étonnant venant d'Akima, bien sûr. Donc c'est marrant parce que du coup ça fait donc dans un sens, bon, ce sont deux livres très simples, donc pareil, hein, le roman fait moins de 200 pages également, ils sont à 2-3 pages près, ils font exactement la même longueur. Quelle histoire y a Akima Story. mais on sait pas du tout la même approche. Enfin, donc les deux personnages de Kyle Tucker et d'Akima sont très différents, ça on le sait dans le film. Et donc du coup dans Akima Story, on a également donc une toute autre histoire. Donc Akima, on va avoir son parcours. En fait, la colonie vagabonde sur laquelle elle a grandi va être détruite par une attaque dredge. Elle va réussir à fuir et avec un ami de son âge, elle va partir dans l'univers pour entrer une école de pilote et devenir pilote. Donc il y a tous les préjugés que les autres extraterrestres ont sur les humains. Les humains sont mal acceptés en général dans l'univers à cause de la catastrophe. Enfin, comme les humains sont détestés des dredge et que les dredge ont essayé de les détruire, forcément tous les autres aliens ont tendance à être contre les humains, comme on le sait dans Titan AE, dans Tau 14, quand on est sur Tau 14, puisque c'est une espèce devenue paria maintenant, donc forcément les autres espèces extraterrestres n'aiment pas spécialement être vues avec les humains et leur témoigner de l'intérêt. Et donc on a le combat d'Akima, son espoir infini toujours de sauver l'humanité. Et donc donc une fois qu'elle sera devenue pilote, donc évidemment qu'elle y arrivera avec brio. Bon, malgré donc les réprimandes et toutes les brimades qu'elle aura subies des autres élèves, de ses chers camarades de classe et de ses professeurs également, elle va s'en sortir évidemment puisque c'est une excellente pilote. Et également, donc on va savoir comment est-ce qu'elle a rencontré Corso. Et elle va aussi vivre quelques autres petites aventures. Elle a d'autres choses à effectuer en fait avec son ami humain, donc qui était donc un ami qu'elle avait depuis l'enfance aussi, donc puisqu'elle a grandi avec lui sur sa colonie vagabonde. Donc quelques petites aventures comme ça à aller sur d'autres planètes. Donc pareil, elle mène aussi son voyage. Donc ces deux romans sont intéressants. Ils existent donc en français, ils ont été traduits. Donc je pense que la Fox a vraiment pensé que ça allait marcher et donc a pris le temps de les faire traduire. Parce que sinon je pense que s'ils avaient attendu de voir le résultat du film au box-office, ça se trouve ces bouquins seraient juste éventuellement sortis en anglais et peut-être même pas. Ils n'auraient jamais peut-être été traduits. En tout cas ils ont été traduits. Donc en France ils sont aux éditions Fleuve Noir. Donc moi je les avais commandés sur internet, je sais pas si on peut les acheter. Donc de nos jours je pense de toute façon qu'il faut que les commander sur internet si on veut les acheter. Je pense pas qu'on puisse les trouver dans un magasin. Ou à moins de les commander dans le magasin même, bien sûr. Donc, et les auteurs sont mari et femme, c'est Kevin J. Anderson et Rebecca Mesta. Donc voilà, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez l'animation et si vous aimez en savoir plus sur les personnages que vous voyez au cinéma, eh ben n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà, je le répète, hein, c'est pas génialissime, mais ça satisfait un peu plus de curiosité. Bonne lecture. Merci Camille. Voici l'adresse du site internet de Camille, developpeur.site.web.free.fr. Merci de votre attention. À bientôt.